الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، chers auditeurs, nous avons vu hier l'explication des versets de Sourate An-Nisa qui contiennent une menace sévère à l'encontre de celui qui délaisse la hijra. Et nous avons vu aussi que ces versets contiennent la promesse d'une belle récompense ici-bas et dans l'au-delà pour celui qui émigre sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le cours d'aujourd'hui, nous allons voir d'autres versets du livre d'Allah nous démontrant les mérites de la hijra et que celle-ci fait partie des œuvres par lesquelles le croyant peut espérer obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son pardon. De même qu'il peut espérer, par l'accomplissement de l'émigration sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, atteindre les plus hauts rangs et les plus hauts degrés auprès de son Seigneur, obtenir son agrément et faire partie des habitants du paradis pour y demeurer éternellement. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me compter ainsi que vous parmi les habitants de son paradis. Allah subhanahu wa ta'ala a donc dit au verset 218 de Surat al-Baqarah: Inna alladhina amanu walladhina hajaru wajahadu fi sabilillah أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Certes, ceux qui ont cru, qui ont émigré, qui ont fait la hijra et qui ont lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah et Allah est pardonneur et miséricordieux. On voit dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné trois œuvres. Trois œuvres qui sont les causes du bonheur pour le serviteur, ici-bas et dans l'au-delà. Et ces trois œuvres sont, premièrement, la foi, l'iman, et tout ce que cela implique. Deuxièmement, la hijra. Et troisièmement, la lutte sur le sentier d'Allah. La première œuvre est donc la foi, et nul parmi nous n'ignore son mérite. Et comment pourrait-on douter que la foi est la cause du bonheur de l'homme, ici-bas et dans l'au-delà, alors qu'on sait que c'est par la foi que se distinguent les bienheureux et les malheureux, ainsi que les gens du paradis et les gens de l'enfer. Si le serviteur a la foi, ses œuvres de bien seront acceptées de lui. Mais s'il n'a pas la foi, aucune œuvre ni aucune action ne sera acceptée de lui. Car la validité de l'ensemble de nos œuvres repose sur la validité de cette foi. Et ceci nous démontre l'importance que le musulman doit donner à l'étude de la croyance authentique, afin de perfectionner sa foi et faire partie des vrais croyants. La deuxième œuvre mentionnée dans ce verset est la hijra, l'émigration sur le sentier d'Allah. Et c'est pour cela qu'on a mentionné ce verset ici. L'éminent Shaykh, Abdurrahman ibn Nasir al-Nasi'idi rahimahullahu ta'ala, a dit au sujet de la hijra, elle consiste à se séparer de ce qui est aimé et familier, c'est-à-dire que le muhajir, lorsqu'il va émigrer, il va se séparer de certaines choses qu'il aime. Il va se séparer de certains de ses proches. Il va se séparer peut-être de certaines de ses richesses. Et il va se séparer aussi de ce qui lui était familier. C'est-à-dire, il va se séparer de ses habitudes, se séparer de l'endroit où il a toujours vécu, se séparer des endroits qu'il connaît, et ainsi de suite. Et il n'y a pas de doute que ceci peut être une chose difficile à accomplir pour la personne. Toutefois, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, il nous dit, elle consiste à se séparer de ce qui est aimé et familier. Pourquoi? Pour l'agrément d'Allah, le Très-Haut. Pour obtenir l'agrément d'Allah. Il sait qu'en faisant cela, il obtiendra la satisfaction de son Seigneur. C'est pour cela qu'il délaisse ces choses qu'il aime et qui lui sont familières. Ensuite, il dit, rahimahullah, le muhajir, celui qui émigre, délaisse donc son pays, ses biens, sa famille et ses amis, pourquoi? Pour se rapprocher d'Allah et faire triompher sa religion. Il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala par ce délaissement. Et en délaissant ces choses, il fait triompher la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la hijra fait partie de la religion d'Allah. Et en émigrant vers les terres d'islam, il rejoint les rangs des musulmans. Et c'est pour cela que ceci fait partie du triomphe de la religion. Enfin, la troisième œuvre mentionné dans ce verset est la lutte sur le sentier d'Allah, qui consiste à prodiguer des efforts pour faire triompher la religion d'Allah et avilir la religion du diable. Et c'est le summum des œuvres de bien, et sa rétribution est la meilleure des rétributions. Donc ceux qui accomplissent ces trois œuvres, en faisant face aux difficultés qu'elles peuvent comporter, ils sont alors en droit d'espérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ils ont accompli les causes permettant d'obtenir cette miséricorde. Et ceci est une preuve que l'espoir n'a lieu d'être qu'après avoir accompli les causes menant à ce que l'on espère. Pourquoi ils espèrent la miséricorde d'Allah? Car ils ont eu la foi, ils ont émigré, et ils ont lutté sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont donc en droit d'espérer cette miséricorde. Quant à l'espoir accompagné de paresse et de faiblesse, sans accomplir aucune cause, ceci n'est en réalité qu'un espoir mensonger, que l'on pourrait qualifier d'incapacité ou d'illusion. Le fait de ne pas accomplir les causes te menant à ce que tu recherches, et plus particulièrement les causes te menant au bonheur, cela démontre un certain manque d'ambition, et également un manque de raison. Celui qui agit de cette manière, qui ne fait pas les causes pour obtenir ce qui lui sera profitable ici-bas et dans l'au-delà, qui ne fait pas les causes pour obtenir la miséricorde et le pardon de son Seigneur, il est semblable à quelqu'un qui souhaiterait obtenir une récolte sans terre, sans plantation ni arrosage. Ou alors à quelqu'un qui voudrait avoir des enfants sans se marier, sans approcher aucune femme. Donc celui qui espère vraiment la miséricorde d'Allah, il doit se rappeler que pour l'obtenir, il est indispensable d'accomplir les causes, et ces causes sont les œuvres pieuses. À l'exemple de celles mentionnées dans ce verset, parmi elles, la hijra, l'émigration sur le sentier d'Allah, qui fait partie des plus grandes causes te permettant d'obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui espèrent la miséricorde alors qu'ils ne font pas d'œuvres, ou très peu d'œuvres, qu'ils ne font pas d'efforts dans le bien, qu'ils ne délaissent pas le mal et les péchés, alors ils sont en réalité dans l'illusion et non qu'un espoir mensonger. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, « Ulaika yarjuna rahmatallah » Cela espère la miséricorde d'Allah. Ils l'espèrent, ils ne l'ont pas encore obtenu. Ils sont en droit de l'espérer, mais ils ne l'ont pas obtenu. Et ceci indique que même si le serviteur a accompli ce qu'il a accompli comme œuvre parmi les œuvres de bien, il ne lui convient en aucun cas de se reposer sur celle-ci. Tu ne dois pas te reposer sur les œuvres que tu as accomplies. Tant que tu es vivant, tu n'es pas à l'abri de l'égarement. Tu ne dois pas penser que le paradis est gagné une fois que tu as accompli ses œuvres. Et ça, c'est un rappel important pour toute personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé à la foi et à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité un certain nombre d'œuvres de bien. Et parmi elles, la hijra. Tu dois sans cesse avoir en tête que tu ne sais pas si tes œuvres ont été acceptées ou non. Donc tu espères la miséricorde d'Allah. Tu espères l'acceptation de tes œuvres. Tu espères le pardon de tes péchés. Mais tu ne sais pas si tu as obtenu cela. Donc tu ne dois pas t'enorgueillir. Et tu ne dois pas te reposer sur cela. Et j'insiste sur ce point. J'insiste sur ce point qui est d'une grande importance, surtout pour ceux qui ont fait la hijra, ou ceux qui s'apprêtent à la faire ou qui vont la faire. Sachez qu'une fois cette adoration accomplie, rien n'est encore gagné. Certes, cette adoration a de nombreux mérites, des mérites immenses, comme on va le voir dans les versets suivants également. Mais le chemin n'est pas terminé. Le chemin est encore long pour atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir et de nous guider. Donc le musulman, il ne doit pas se reposer sur cela, mais il doit sans cesse renouveler sa foi, faire des œuvres de bien, apprendre la science profitable et chercher à se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il espère donc, après avoir accompli ses œuvres, qu'elles soient acceptées et il espère le pardon de ses péchés. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a conclu ce verset en disant « Wallahu ghafur rahim » et Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est-à-dire qu'il pardonne et fait miséricorde à ceux qui se repentent d'un repentir sincère. C'est pour eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Non pas pour ceux qui s'obstinent dans les péchés et la désobéissance. Certaines personnes sont plongées, voire même noyées dans les péchés du matin au soir, et lorsqu'on leur fait le rappel, ils te disent « Allah est pardonneur et miséricordieux ». Naam, il est pardonneur et miséricordieux, mais il est aussi dur en châtiment. Et son pardon et sa miséricorde, ils sont pour ceux qui reviennent à lui et qui se repentent d'un repentir sincère, non pas pour ceux qui s'obstinent dans les péchés et les œuvres de mal. Donc ce verset est une preuve que celui qui accomplit les œuvres mentionnées, parmi elles la hijra. Alors il obtiendra le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde. Effectivement, la hijra, elle fait partie des causes du pardon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même informé dans un hadith authentique que la hijra efface ce qui la précède. Allahu Akbar. Elle efface ce qui la précède. Toutes les mauvaises actions que tu as pu commettre par le passé, lorsque tu fais la hijra, d'un cœur sincère, cherchant à te rapprocher d'Allah, et à délaisser ses actions, et à prendre un nouveau départ dans ta vie, alors tu peux espérer que tous ses péchés soient pardonnés. N'est-ce pas une récompense immense? Ce mérite à lui seul, il suffit pour motiver le musulman à s'empresser d'accomplir cette action. Si tu obtiens le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras préservé de tout châtiment ici-bas et dans l'au-delà. Car le châtiment, c'est la conséquence de quoi? C'est la conséquence des péchés. Mais si les péchés ont été pardonnés alors, il n'y aura plus de châtiment. Et si tu obtiens la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu obtiendras tout bien dans cette vie et dans l'au-delà. Et il est à souligner que même ses œuvres, la foi, la hijra et la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont en réalité une grâce et une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers son serviteur. C'est-à-dire que si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas accordé la réussite et n'avait pas guidé ceux qui les ont accomplis, alors il n'aurait pas pu les accomplir et peut-être qu'il n'aurait même pas voulu les accomplir. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a guidés à cette volonté. Et si Allah subhanahu wa ta'ala ne leur avait pas donné les moyens et les capacités, il n'aurait pas pu les accomplir. Et sans sa grâce, sa miséricorde et sa bienfaisance, il ne les aurait pas acceptés de son serviteur. Donc c'est à Allah subhanahu wa ta'ala seul que revient le mérite du début à la fin. Car c'est lui qui nous a fait grâce en nous guidant à la foi. Et c'est lui qui nous a fait grâce en nous facilitant l'accomplissement d'œuvres de bien nous permettant de nous rapprocher de lui. Et ceci nous donne une leçon d'humilité. Toute personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité l'accomplissement d'œuvres pieuses, elle doit savoir qu'elle n'a accompli ses œuvres que par la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'avait pas guidé à l'accomplissement de ses œuvres, tu n'aurais pas pu les accomplir. Donc tu dois faire preuve de reconnaissance envers ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et tu ne dois pas être pris d'orgueil ou de vanité. Tu ne dois pas mépriser tes frères et sœurs qui n'ont pas encore eu les facilités et n'ont pas encore été guidés vers les œuvres auxquelles tu as été guidé. Tu dois plutôt remercier ton Seigneur de t'avoir fait grâce, de t'avoir guidé à la foi, de t'avoir guidé à l'accomplissement des œuvres de bien et parmi elles la hijra. Et tu invoques en faveur de tes frères et sœurs qui n'ont pas encore été facilités ou qui n'ont pas encore été guidés, au lieu de les mépriser. Ne te pense pas supérieur à eux, peut-être qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore été guidés, ils n'ont pas encore été facilités. Mais il se peut que demain, ils te dépassent dans les œuvres de bien. Donc prends garde à ne mépriser personne parmi les musulmans. Car mépriser son frère ou mépriser sa sœur fait partie des péchés. Et pire encore, de les mépriser en raison d'une chose pour laquelle tu n'as en réalité aucun mérite puisque ce n'est qu'une grâce et une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée. Le deuxième verset que l'on va méditer aujourd'hui, c'est le verset 74 de Surat Al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَالَّذِينَ آمَنُوا et ceux qui ont cru وَهَاجَرُوا et émigré وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ et lutter sur le sentier d'Allah. وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا et ceux qui leur ont donné refuge et porté secours. » Donc ce verset englobe les croyants parmi les muhajirines, ceux qui ont émigré, et les ansar, ceux qui les ont accueillis. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. Ceux-là sont les vrais croyants. Allahu Akbar, ceux-là sont les vrais croyants. Ceux-là sont ceux qui ont confirmé leur foi et attesté de sa véracité. En accomplissant ses œuvres, en ayant la foi, en accomplissant la hijra, en émigrant sur le sentier d'Allah et en luttant sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci nous indique que le délaissement de la hijra s'oppose à la perfection de la foi. Celui qui délaisse la hijra, ce délaissement indique une déficience dans sa foi. Donc celui qui ressent cela, qui est conscient de cette déficience et de ce manque, il doit s'empresser de se corriger, s'empresser de chercher à se réformer, à purifier son cœur, à faire augmenter sa foi. Il ne doit pas se satisfaire de cette situation. Mais il doit souhaiter faire partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans ce verset comme étant les vrais croyants. Les vrais croyants car ils ont accompli des actes démontrant la véracité de leur foi. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne une part de leur récompense et il dit « Lahum maghfiratun wa rizqun karim » Ils auront le pardon et une subsistance généreuse. Ils auront le pardon. Le pardon venant d'Allah subhanahu wa ta'ala effaçant leurs péchés. Et comme on l'a vu dans le verset précédent, la hijra fait partie des actions par lesquelles le serviteur peut espérer le pardon de l'ensemble de ses péchés passés. Wa rizqun karim, une subsistance généreuse. Un bien abondant venant d'Allah subhanahu wa ta'ala al-karim, akramul akramin, le plus généreux des généreux. Il honorera ses serviteurs qui accomplissent ses bonnes actions en les faisant entrer dans les jardins du délice, au paradis. Et le Cheikh As-Si'di rahimahullah ta'ala nous dit qu'il se peut aussi qu'ils obtiennent une récompense ici-bas de sorte à réjouir leurs yeux et apaiser leur cœur. Allahu Akbar. C'est-à-dire que leur récompense, elle n'est pas limitée à l'au-delà. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les récompense ici-bas avant même l'au-delà. On a vu hier qu'il a promis à ceux qui émigrent refuge et abondance. Et ici on voit dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur promet une subsistance généreuse. Tu dois avoir la certitude de cela. Nombreux sont ceux à délaisser cette noble adoration par peur de la pauvreté, par peur du manque de certains biens mondains et ainsi de suite. Et cette crainte, elle s'oppose à la bonne opinion que le serviteur se doit d'avoir de son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ceux qui émigrent sur son sentier refuge et abondance et subsistance généreuse. Tu dois avoir la certitude de cela et placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Rappelle-toi que c'est lui Ar-Razzaq, le grand pourvoyeur à la subsistance. Il n'y a pas une créature sur terre sans que sa subsistance n'incombe à Allah. Tu ne quitteras pas ce bas monde avant d'avoir reçu la subsistance qui t'a été écrite. Tu dois avoir la certitude de cela. Ne pense pas que tu seras privé de la grâce et de la générosité de ton Seigneur alors que tu es sur le chemin de son obéissance. Bien sûr, comme on l'a dit hier, il se peut que le serviteur soit éprouvé. Il se peut que sa foi soit mise à l'épreuve afin de distinguer les véridiques des menteurs. Mais tu dois patienter, faire preuve de fermeté sur le chemin de la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu fais cela, que tu ne montres à Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'il aime et ce qu'il agrée, alors réjouis-toi de cette bonne annonce, d'une subsistance généreuse, ici-bas et dans l'au-delà. Les versets suivants que l'on va méditer aujourd'hui sont les versets 20 à 22 de Surat At-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala commence tout d'abord par mentionner une fois de plus ces trois mêmes œuvres qui sont la foi, la hijra, et la lutte sur le sentier d'Allah. Il dit Alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui ont lutté par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah. A'zamu darajatan 'indallah. Ce sont eux qui ont les plus hauts degrés auprès d'Allah. Allahu Akbar. Ils ont les plus hauts degrés. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ Et ce sont eux les victorieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ces trois œuvres et parmi elles la hijra. Et il qualifie ici ceux qui les accomplissent comme étant les victorieux. Ceux qui ont les plus hauts degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci te montre une fois de plus le mérite de la hijra. Si tu veux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu veux t'élever en degré auprès de lui, alors complète ta foi en accomplissant cette adoration immense qui te rapprochera de ton Seigneur. N'hésite pas un instant. Si tu cherches le triomphe et la victoire, si tu cherches le succès, le vrai succès, non pas le succès du faux brillant sur terre que recherchent beaucoup de personnes aujourd'hui, ceux qui cherchent la notoriété, ceux qui cherchent l'argent, ceux qui cherchent les postes à responsabilité, ou encore aujourd'hui ceux qui sont éprouvés par ces moyens modernes de communication, ceux qui recherchent à avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, beaucoup de diffusion de leurs publications et ainsi de suite. Ils pensent ainsi avoir gagné quelque chose. Cela, ils n'ont rien gagné en réalité. Il se peut même qu'ils ne fassent que s'enfoncer dans des abîmes profonds, wal'iyadu billah. Mais les victorieux, ce sont ceux qui ont cru, ceux qui ont eu la foi, ceux qui ont émigré, qui ont quitté la terre de mécréance pour la terre d'islam, et qui ont lutté par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils ont les plus hauts degrés auprès d'Allah, même s'ils sont méprisés par les gens, même s'ils sont détestés par les gens, même si les gens les trouvent étranges, alhamdulillah, ils ont les plus hauts degrés auprès d'Allah. Et ce sont eux les victorieux. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne ce qu'il leur annonce. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ. Leur Seigneur leur annonce de sa part miséricorde et agrément, et des jardins où il y aura pour eux un délice permanent. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Ils y demeureront éternellement. إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Certes, il y a auprès d'Allah une énorme récompense. Médite ici sur cette annonce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait à ceux qui ont cru, émigré et lutté sur son sentier. Il leur annonce de par sa générosité et sa bienfaisance, par amour envers eux et envers ses actions qu'ils ont accomplies, une miséricorde. Une miséricorde par laquelle il va dissiper d'eux tous les maux qui pourraient les atteindre et par laquelle il va leur faire parvenir tout bien. Et il leur annonce également son agrément. Cet agrément qui fait partie des plus grands et des plus nobles délices du paradis. Wa ridwanun min Allah akbar. L'agrément d'Allah est ce qu'il y a de plus grand. C'est ce qu'espère tout croyant. Allah subhanahu wa ta'ala leur accordera son agrément. Cela signifie qu'il ne sera jamais en colère contre eux. Allahu akbar. Médite sur ce mérite immense qu'obtient celui qui a accompli ses nobles actions et parmi elles la hijra. N'est-ce pas que tout croyant véridique espère obtenir l'agrément de son Seigneur? N'est-ce pas ce que tu recherches? Échapper à la colère d'Allah? Si tu recherches réellement l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu espères échapper à sa colère, Allah subhanahu wa ta'ala t'indique le chemin dans ce verset. Ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah. Qu'attends-tu après avoir pris connaissance de cette bonne annonce de la part de ton Seigneur? C'est une chose en laquelle tu dois avoir la certitude. Ce n'est pas la parole d'un homme ou la parole d'une personne quiconque. C'est la parole du Seigneur des hommes. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ. Leur Seigneur leur annonce, leur fait la bonne annonce d'une miséricorde de sa part et un agrément. Et il leur annonce en plus de cela le paradis. وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ. Des jardins où il y aura pour eux un délice permanent. Ils auront tout ce que leurs âmes désirent, tout ce qui leur procurera le bonheur et la joie des yeux, et ce dont seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît la description. Car il y a au paradis ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce que le cœur d'un homme ne peut s'imaginer. Ils obtiendront ce paradis, un délice permanent. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Ils y demeureront éternellement. C'est-à-dire que ce délice et ce plaisir sera sans fin. Non pas comme les plaisirs et les désirs de ce bas monde, où toute chose a une fin. Il se peut que la personne ressente certains plaisirs dans ce bas monde, certains moments de joie, certains moments de réjouissance, certains moments de bonheur. Mais ces moments et ces choses ont généralement une fin. Alors qu'au paradis, le plaisir sera sans fin. Et ses habitants y demeureront éternellement. Ils ne voudront pas en sortir. Ils ne désireront aucun changement. Ils ne vont pas se lasser de ces bienfaits qu'ils auront obtenus de la part de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Certes, il y a auprès d'Allah une récompense immense. Une récompense que l'on ne peut même pas s'imaginer. Car Allah subhanahu wa ta'ala lui-même est l'azim. Il est l'immense. Et la bonté de sa récompense n'a rien d'étonnant, venant de celui qui n'a qu'à dire à une chose soit, pour qu'elle soit aussitôt. La récompense que le croyant trouvera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est une récompense qui dépasse de loin l'ensemble des bienfaits que le serviteur peut obtenir dans ce bas monde. Donc vous voyez à travers ces différents versets, tous les bienfaits que peut obtenir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala celui qui a accompli la hijra, qui quitte la terre de mécréance pour une terre d'islam, avec espoir de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'obtenir son pardon et sa miséricorde, d'obtenir une subsistance généreuse et une récompense immense de la part de son Seigneur, d'atteindre les plus hauts degrés et d'avoir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala cette bonne annonce du pardon et de son agrément et de l'entrée dans les jardins des délices pour y demeurer éternellement. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cela et de nous compter parmi ceux qui empruntent ce chemin et restent fermes sur celui-ci et de nous compter parmi les habitants de son vaste paradis. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et on verra dans le cours de demain, inshallah ta'ala, d'autres versets que je souhaite que l'on médite ensemble à ce sujet. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.